Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 6 février 34. Eh bien non, j'aurais pu choisir cette journée d'insurrection contre la République, mais j'ai choisi de vous parler d'un autre 6 février, celui de 1945, où l'on exécute un écrivain de 35 ans, Brasillach. Après la libération, c'est le temps en effet de l'épuration. Vous savez qu'on est à la chasse aux collabos à l'époque. Et de quoi accuse-t-on Brasillach précisément? D'avoir été rédacteur en chef de Je suis partout quand même, un journal collaborationniste, très antisémite. Brasillach était depuis longtemps à l'extrême droite. Dans les années 30, il écrivait déjà dans l'Action française, ce qui ne veut pas dire qu'il ait admiré Hitler. Hein. Il avait lu Mein Kampf, il avait dit que c'était le summum du crétinisme excité. Pourtant, il va s'y rallier. Disons que Brasillach a prôné un fascisme à la française. Donc, en septembre 44, apprenant que sa mère a été arrêtée, il se constitue prisonnier pour la faire libérer. Il est poursuivi pour intelligence avec l'ennemi, incarcéré à Fresnes, jugé dès janvier 45. 6 heures de procès, 20 minutes de délibéré, c'était comme ça à l'époque. Hein. Et condamnation à mort. Seulement, Robert Brasillach est un très grand intellectuel. Camus, Cocteau, Anouilh, entre autres, vont signer une pétition pour demander sa grâce, ne serait-ce qu'au nom du talent. Et le 3 février, le général de Gaulle dit à Mauriac, mais non, on ne fusillera pas Brasillach. Et bien pourtant, 2 jours après, le jeune écrivain est exécuté au fort de Montrouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que de Gaulle avait vu une photo d'un homme en uniforme allemand et qu'il avait pris cet homme pour Brasillach, alors qu'en fait c'était Doriot. Il semble plus simplement que c'est une condamnation qui allait dans le sens de l'histoire. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h, pour parler d'histoire justement sur Europe 1. Oui, une heure entière consacrée à Gustav Klimt. Ce sera le 100e anniversaire de sa mort, c'est aujourd'hui.